À propos de Redon, Liberté Party. C'est une tribune qui a été publiée le 26 juillet 2021 chez Mediapart, qui a été signée par un large collectif de musiciens, musiciennes et travailleurs et travailleuses de la culture, dont moi-même. Et en voici la lecture. Lors de la Free Party du 18-19 juin à Redon, un nouveau cap a été franchi dans la répression des fêtes libres. Toutes nos pensées vont aux victimes de cette répression féroce, et particulièrement au jeune homme mutilé à vie. Mais pour saisir pleine mesure de l'événement, il faut encore rapporter la violence physique qui s'y est déchaînée à son contexte et à sa signification. Et ne pas négliger la portée des symboles. Cette free party était organisée en hommage à Steve Maya Caniso, tué 2 ans auparavant par une charge de police lors d'une précédente free party, le 21 juin 2019 à Nantes. C'est précisément cette fête commémorative qui a été choisie pour frapper les corps et les esprits. En ces temps de radicalisation assumée du pouvoir policier, il est permis de supposer que la violence inouïe déployée contre les teufeurs à Redon constitue volontairement, du côté policier, une sorte de plus sinistre commémoration anniversaire des événements de 2019. 2 jours après la répression sanglante de Redon, le président offrait à la cour, dans l'enceinte même de l'Élysée, le frisson d'une fête électro, avec des DJ dedans, pour célébrer les musiques électroniques. S'y produisaient 2 célébrités sur le retour, décorées le jour même, et quelques autres musiciens plus jeunes, mais manifestement tout aussi dépourvus de sens moral et d'amour-propre. La collision de ces 2 événements est brutale. Elle rappelle de ces figures marquantes de la démesure du pouvoir, qu'on a déjà vu dans l'histoire porter malheur à ceux qui l'exerçaient. Mais laissons là la techno de Palais et revenons à cette autre techno sur laquelle ruissellent, pour l'heure, les haches et les grenades. La répression toujours plus disproportionnée que nous constatons dans le mouvement social depuis quelques années s'étend désormais au domaine de la musique et de la fête. À Redon, l'intervention brutale des forces de l'ordre ne s'est pas limitée aux CRS et gendarmes habituellement mobilisés. C'est, excusez du peu, le GIGN qui a été déplacé. Rappelons que le GIGN intervient, ouvrez les guillemets, généralement pour des faits très graves, terrorisme, prise d'otages, arrestation de dangereux forcenés, émeutes dans les prisons, risques ou menaces sur des intérêts vitaux pour l'État. Fermez les guillemets, c'est un extrait du site internet du ministère de l'Intérieur sur la page GIGN. Par élimination, il faut en déduire que les free parties menace les intérêts vitaux de l'État. Ce qui pose évidemment quelques questions sur ce que sont aujourd'hui ces intérêts et sur leur divergence probable avec les intérêts des simples citoyens. Non contente de saisir le matériel comme la loi les y autorise, on a pu voir sur des vidéos sans ambiguïté les forces de l'ordre le vandaliser méthodiquement, détruisant à coups de hache les systèmes de sonorisation, les instruments de musique, platine et ordinateur, déchirant une à une minutieusement les toiles de tente, allant jusque dans les caravanes continuer leur œuvre de destruction. Comble de l'ignominie, d'après les témoignages, le préfet, en lien avec le ministère de l'Intérieur et avec la complicité des gendarmes, préférant obéir à leur hiérarchie plutôt qu'à leur obligation de porter assistance aux personnes en danger, ont interdit pendant des heures aux pompiers l'accès au site pour porter secours aux nombreux blessés civils, alors même que leurs propres échanges attestent qu'ils savaient très tôt qu'il y avait des blessés graves et une personne à la main arrachée. Les secours furent cyniquement réservés aux gendarmes et CRS, sous prétexte de la violence des fêtards qui y attendaient, bien entendu, la première occasion de s'en prendre aux pompiers. Ajoutons que la configuration rappelait dangereusement celle qui avait abouti à la mort de Steve. Un cul-de-sac, bordé par une rivière, dont la sortie et l'entrée étaient bloquées par le cordon policier. C'est une chance que, sous le coup de la panique, des grenades et des lacrymogènes, il n'y ait pas eu de nouveaux noyés. Si la violence de cette répression d'une simple fête est à peu près sans précédent, l'acharnement contre les free parties n'est, quant à lui, pas exactement une nouveauté. Le mouvement Free Party doit d'ailleurs pour partie sa diffusion dans toute l'Europe à la répression lancée par Margaret Thatcher contre les prémices du mouvement Rave, avec pour conséquence l'exil des Spiral Tribe, qui, essaimant en Europe, allait lancer avec quelques autres sound systems le mouvement des Free Parties et des Technivol. La France ne fut pas en reste en matière de répression. Répression appuyée par les calomnies unanimement rabâchées par les médias dans la première moitié des années 90. Le 11 septembre 2001 offrira l'occasion de la loi sur la sécurité quotidienne et son amendement Mariani, qui posera ce qui est encore, à travers ses avatars successifs, le cadre du régime actuel de répression des free parties. Tous les nouveaux courants musicaux du XXe siècle, qui permettaient aux jeunes de se retrouver, de faire la fête et de faire monde, ont toujours été combattus par le pouvoir en place. Aujourd'hui, le jazz n'est plus une musique nègre, le rock n'est plus une musique satanique, et les rythmes électroniques sont partout. Mais les fêtes libres de la techno restent licencieuses. Ce que le pouvoir a toujours craint dans ces courants de la culture populaire, c'est très précisément la capacité de faire monde. Il s'agit là d'un très ancien pouvoir de la musique, sans doute aussi ancien que la musique elle-même. Peut-être plus ancien que l'humanité, si on peut bien l'envisager à l'échelle du vivant. La musique nous fait participer à quelque chose qui est au-delà de la représentation, quelque chose qui vient modeler cette ouverture même depuis laquelle nous sommes au monde. D'où sa puissance d'évocation et à susciter des utopies. D'où cette façon de moduler, de rythmer notre façon d'être concrètement au monde. Gouverner implique toujours, à différents degrés, un contrôle de la texture du monde et du domaine des possibles. C'est pour cela que Platon propose déjà dans sa République idéale de réglementer les modes musicaux. En réponse à ce pouvoir de la musique, les différentes formes de gouvernement ont toujours eu un mouvement double. D'une part, l'intégration d'une partie de la culture jugée acceptable, plus ou moins encadrée, voire suscitée. D'autre part, la marginalisation, l'exclusion ou la criminalisation de ce qui n'est pas assimilable. Le type d'équilibre entre ces deux mouvements, les formes particulières de l'intégration et de l'exclusion, en disent long sur un régime politique. Dans les années 60, le free jazz et la soul ont donné corps au Free Way Now des Black Panthers. Il suffit de regarder n'importe quelle image d'archives, de n'importe quelle prise de parole des Black Panthers, pour avoir une idée de la puissance de séduction d'un mouvement de rupture qui peut revendiquer la profondeur d'un arrière-monde. Il ne faudrait pas que les free parties donnent corps à une échappée quelconque hors de la misère globalisée. Le mouvement techno, et particulièrement les free parties, avec leur façon de tourner le dos à la centralité de la rockstar et au culte de la personnalité, ont porté avec une insistance particulière cette possibilité de faire monde ensemble. Et consciemment ou non, c'est de cela dont se sont toujours méfiées les autorités, et qu'elles ne supportent plus du tout, au point de lancer aujourd'hui de véritables assauts militaires, éventuellement meurtriers. Cela étant dit, il nous faut prendre acte de cette récente montée en violence de la répression et en tirer quelques conclusions. Il faut lire cette violence à la lueur de la situation générale. Nous subissons actuellement une offensive insensée du libéralisme autoritaire. La crise sanitaire provoquée par le SARS-CoV-2 a hélas offert le prétexte de toutes les accélérations dans la mise en œuvre du programme de ce libéralisme autoritaire, qui ne s'est pas privé de continuer, dans le même temps, de déshabiller l'hôpital public. L'image glaçante de ces rues désertes sillonnées par des livreurs à vélo, la distanciation des corps et la confusion des esprits, la généralisation du télétravail, la réduction des loisirs à la seule interaction avec des prothèses numériques et donc la réduction des spectacles à l'état de concurrents malheureux de Netflix. La multiplication de lois scélérates profitant de la stupeur générale et de l'interdiction de manifester pour entériner sans résistance l'usage des drones et de la reconnaissance faciale et laisser le champ libre aux milices armées. L'enrichissement accru des plus riches et l'appauvrissement des autres, le déploiement sans débat de la 5G et le règne du tout connecté, les profits sans précédent des GAFAM. C'est toute l'utopie libérale dans sa version cybernétique qui a profité de la crise pour fondre sur nous comme notre nouvelle réalité pendant qu'on élucubrait gaiement ici ou là sur le monde d'après. Cette année, non seulement la culture aura été jugée non essentielle, mais la musique aura été criminalisée jusqu'au grotesque. On peut créditer un préfet du Morbihan de la trouvaille d'un arrêté interdisant en septembre dernier le transport en voiture d'instruments de musique. On aura vu, ailleurs, des patrouilles de police faire la chasse aux habitants des villes qui avaient le malheur d'écouter en pleine journée de la musique assez fort pour qu'elle s'entende de la rue. Et pour finir, des armes de guerre contre une fête et ces images d'hommes du GIGN détruisant des sound systems à coups de hache. Il semble que le plus simple délassement musical soit devenu suspect. Les loisirs autorisés en permanence se restreignent à ceux qui nous maintiennent dans l'hébétitude. Les autres sont à portée d'interdictions arbitraires, d'imposition de passes sanitaires ou de tirs de grenades. Le moins qu'on puisse dire, c'est que dogme français de la sacralité de la culture en a pris un coup. Comment ne pas interpréter cette privation, une forme au fond de privation sensorielle, comme l'un des actes de la guerre psychologique qui nous est faite. À mesure que le monde est rendu plus irrespirable, on en condamne les sorties. Non seulement les sorties pratiques, les possibilités concrètes d'échapper aux conditions de vie dominantes, mais les sorties dans l'imaginaire, ces portes que la musique, la danse et leur partage ouvrent sur d'autres mondes. Il semble que l'âpreté, pour le grand nombre, du monde qu'on nous concocte, commande la destruction violente de tout dehors, à la mesure de notre désir naturel de lui échapper. Ainsi traite-t-on les ZAD de toutes sortes, et ainsi légifère-t-on contre les séparatismes. Cet enfermement dans un contexte hostile est exactement à l'image du dispositif policier qui, à Redon, coinçait les teufeurs dans un cul-de-sac entre le cordon policier infranchissable, une rivière et des taillis, sous un tir nourri de gaz lacrymogène et de grenades. Plus que jamais, nous défendrons la musique, les voies de traverse, les portes de sortie et, en particulier, les free parties passées, présentes et à venir. Moins que jamais, nous voulons revendiquer l'utilité de nos pratiques artistiques pour le maintien d'une cohésion sociale qui prend de plus en plus ouvertement la forme d'une terreur généralisée. Nous appelons à la multiplication des fêtes libres et y prendrons part. Et comme le disait un fameux morceau des Spiral Tribe, « You might stop the party, but you can't stop the future. » Vous pouvez peut-être arrêter la fête, mais vous ne pouvez pas arrêter le futur. Voilà, c'est une chouette pardon. C'est un chouette texte vraiment collectif, une tribune qui est retrouvée donc sur la partie des invités de Mediapart, qui est une partie particulière où sont généralement toutes les tribunes qui sont publiées, donc sur mediapart.fr. Et à bientôt. De toute façon.